الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. On continue la lecture du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de l'expiation. Et on avait expliqué ou commencé d'expliquer le 213e hadith, qui est le hadith de Abdullah ibn Ma'qil. Qui l'a appris? Qui l'a appris? Soufiane? Havitao? Qui a appris le hadith de Abdullah ibn Ma'qil? Tfadal akhi. عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خصة وهي لكم عامة. قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجل الشاه؟ فقلت له فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الساعة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يضحي الشهر أو يصوم ثلاثة أيام. رواه البخاري. أحسنت، بارك الله فيك. Donc la semaine dernière, on avait expliqué ce hadith de ou ce athar de Naam, le hadith de Abdullah ibn Ma'qil, et on avait cité les différentes leçons et ce qu'on le retient de ce hadith. Il restait concernant ce hadith de citer la divergence sur sur l'expiation. Et la divergence à ce sujet des savants, à savoir, est-ce que l'on doit d'abord sacrifier une brebis et ensuite avoir le choix de jeûner 3 jours ou de nourrir 6 pauvres, ou est-ce que d'emblée on a le choix entre sacrifier une brebis, jeûner 3 jours ou nourrir 6 pauvres? Car dans le hadith de Abdullah ibn Ma'qil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ka'b ibn Ujra, est-ce que tu as une brebis? Il a répondu non. Et Ka'b ibn Ujra, pour vous rappeler le contexte du hadith, qu'est-ce qu'il a eu? Il avait une maladie dans ses cheveux. Et cette maladie s'est aggravée et s'est infectée au point que il y avait des poux qui tombaient sur son visage. Et cela l'a énormément affaibli au point qu'il ne pouvait pas marcher seul. Et il a été apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit que je ne pensais pas que la maladie avait atteint ce point te concernant. Et Ka'b ibn Ujra était en état de de sacralisation, était en état de sacralisation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de raser ses cheveux, afin de d'éviter que la maladie s'aggrave et afin de pouvoir la soigner convenablement. Et parce que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de raser ses cheveux, lorsque cela est un cas de force majeure, comme le cas de Ka'b ibn Ujra radiallahu anh, eh bien, il est autorisé de raser ses cheveux, mais à condition de donner une expiation. Et c'est là où les savants ont divergé sur cette expiation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Ma'qil, a dit à Ka'b ibn Ujra, « Est-ce que tu possèdes une brebis ?» Il a répondu « Non ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Jeûne 3 jours ou nourris 6 pauvres ». Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ka'b ibn Ujra de nourrir 6 pauvres ou de jeûner ou de sacrifier une brebis ou de jeûner 3 jours. La divergence des savants à ce sujet. تحقيق التخيير في الكفارة. الشيخ البسام رحمه الله dit ظاهر الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاه فإن لم يجدها فهو مخير بين الصيام والإطعام أما الآية وبقية الروايات فتفيد التخيير بين الثلاثة ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعله آذاك هوامك قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه فهذا وأمثله صريح في التخيير. الشيخ البسام رحمه الله dit ce qui apparaît du hadith que l'on étudie, le hadith de Abdullah ibn Ma'qil, le hadith que l'on étudie actuellement prouve que l'on doit faire précéder le sacrifice d'une brebis. Et celui qui n'en a pas, alors il a le choix de jeûner 3 jours ou de nourrir 6 pauvres. Quant au verset, le verset de Surat Al-Baqarah, « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » Dans le verset de Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal donne le choix sur les 3 choses, de même que les autres versions de ce hadith. Donc, la majeure partie des versions de ce hadith prouve le choix entre ces 3 types d'expiation. De même que le verset de Surat al-Baqarah prouve le choix entre ces 3 types d'expiation. Et Cheikh al-Bassam cite parmi les versions qui prouvent le choix le hadith de Al-Bukhari selon Abdurrahman ibn Abi Layla. Dans la version de Abdurrahman ibn Abi Layla, selon Ka'b ibn Ujra, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ta maladie te porte atteinte ?» Il a répondu « Oui ». La maladie te porte-t-elle préjudice ? Ka'b ibn Ujra a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Rase tes cheveux et jeûne 3 jours ou nourris 6 pauvres ou sacrifier une brebis. » Ainsi, ce hadith et bien d'autres hadiths prouvent le choix d'opter pour l'une ou l'autre des formes d'expiation. وقد جمع العلماء بينها فقال ابن عبد البر قدم الشاة إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إلى إباح لا إلى إجابه وقال النووي قصد بسؤاله عن الشاه أن يخبره إن كان عنده شاه فهو مخير بين 3 لا أنه لا يجزي مع وجودها غيرها وقال بعضهم إنه أفتاه في الشاة اجتهادا وبعد ذلك نزلت الآية في التخيير بين الثلاثة. ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عن عبد الله بن معقل عن كعب قال أتجد شاة؟ قلت لا، فنزلت هذه الآية. والأحاديث الواردة في هذا المعنى وردت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، ومن طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا، وما روي عن من طريق عبد الرحمن موافق لمعنى الآية من إفادة التخيير بين الثلاثة، وما ورد من طريق عبد الله بن معقل يفيد الترتيب. ولهذا فإن ابن حزم حكم على رواية عبد الله بالاضطراب، وقال في طريق عبد الرحمن هذا أكمل الحديث وأبينها. والذي أرى أن ما ذهب إليه أبو محمد هو أحسن جمع، لأن القصة واحدة فلا يمكن أن يقع فيها إلا صفة واحدة، فلا يمكن الجمع إلا بهذا. ولهذا قال ابن حجر وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فانسك شاه، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. ورواية مالك في الموطأ أي ذلك فعلت أجزى، والله أعلم. في الشيخ البسام رحمه الله تعالى دي Et les savants ont réuni entre ces différents hadiths. Entre les hadiths qui prouvent que l'on commence d'abord par la brebis, si l'on n'en a pas, alors on a le choix entre jeûner et nourrir 6 pauvres. Et les autres hadiths qui donnent le choix. Les savants ont réuni entre ces hadiths, parmi eux, Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la version de Abdullah ibn Ma'qil, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a précédé la brebis, non pas pour montrer que c'est un ordre qu'il faut respecter, mais que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إلى إيجابه. Que de respecter ce choix est ce qu'il y a de mieux à faire et non pas considérer cela comme une obligation. Et l'imam Nawawi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé à Ka'b ibn Ujra s'il avait en sa possession une brebis, cela était pour savoir s'il avait une brebis et ainsi lui donner le choix soit de jeûner 3 jours, soit de nourrir 6 pauvres, ou soit de sacrifier une brebis. Non pas, le professeur Assam ne lui a pas dit cela pour lui faire comprendre que s'il ne sacrifie pas de brebis, alors son expiation n'est pas valide. Donc c'est ce que dit l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ka'b ibn Ujra s'il avait une brebis, ceci de par un effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le verset qui a été révélé est venu montrer le choix. Car on a vu la semaine dernière que le verset de Sourate al-Baqarah a été révélé après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait répondu à Ka'b ibn Ujra. Et que cela prouvait que le Coran venait soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est-à-dire que l'on doit commencer par la brebis, que c'était un effort personnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis que le verset est venu corriger en donnant le choix sur les 3 formes d'expiation. Et les différentes version de ce hadith ou ces hadiths ont été rapportés par deux chemins. Par le chemin, par la version de Abdullah ibn Ma'qil et par la version de Abdurrahman ibn Abi Layla. Les versions de Abdullah ibn Ma'qil prouvent que l'on commence d'abord par la brebis. Et les versions de Abdurrahman ibn Abi Layla prouvent qu'on a le choix entre ces trois formes d'expiation. Et Ibn Hazm a jugé que la version de Abdullah ibn Ma'qil contenait un idtirab. Qu'est-ce que l'idtirab? L'idtirab dans la science du hadith, c'est lorsque le contenu du hadith est problématique. Lorsque le contenu du hadith est problématique. Et lorsque l'on utilise le terme l'idtirab, on ne parle pas de la chaîne de transmission, mais du contenu du hadith. Et il a dit concernant la version de Abdurrahman ibn Abi Layla, donc ici la parole de l'imam ibn Hazm, que la version de Abdurrahman ibn Abi Layla est la version la plus claire et la plus complète. Car c'est la version qui est conforme avec le verset de Sourate Al-Baqarah, et c'est la version qui est conforme avec la majeure partie des versions du hadith qui viennent prouver que celui qui est en état de sacralisation et qui doit raser ses cheveux à cause d'une maladie qui lui porte préjudice, il a le choix soit de sacrifier, soit de jeûner 3 jours, soit de nourrir 6 pauvres. Pourquoi est-ce que la version de Abdullah ibn Ma'qil contient un itirab dans le matn? Cheikh al-Bassam dit, et mon avis est que la réponse de Abu Muhammad, qui est Abu Muhammad? C'est la cougnette de qui? D'Ibn Hazm. Ibn Hazm, sa kunya était Abu Muhammad. Et Cheikh al-Bassam dit que l'avis de Abu Muhammad est celui qui rassemble le mieux les hadiths. Car l'histoire de Ka'b ibn Ujra est unique. Elle n'a eu lieu qu'une seule fois. Et ce Ka'b ibn Ujra est tombé plusieurs fois malade de cette façon en état de sacralisation? Non, une seule fois. Donc, l'histoire est unique. Les faits sont uniques. Donc, cette histoire ne peut avoir eu lieu que d'une seule et même façon. Ainsi, les versions qui parlent du tartib, de l'ordre à respecter, à savoir d'abord la brebis et ensuite le jeûne ou nourrir, que ces versions contredisent le Coran et contredisent la majeure partie des autres versions de ce hadith de Ka'b ibn Ujra. Et donc, Cheikh al-Bassam tend vers l'avis de Ibn Hazm, à savoir que la version de Abdullah ibn Ma'qil contient un idtirab, contient un problème dans le contenu du hadith. Et c'est également l'avis de Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, car il y a dans une version de l'imam Abu Daoud toujours selon Ibn Abi Layla, Abdurrahman Ibn Abi Layla, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ka'b ibn Ujra, si tu veux, alors sacrifie une brebis. Sinon, si tu veux, jeûne 3 jours. Sinon, si tu veux, nourris. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a clairement laissé le choix d'opter pour l'expiation qu'il désire. Et c'est l'avis le plus prépondérant parmi l'avis des savants, wallahu a'lam. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حرمة مكة في الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله entame le chapitre du caractère sacré de la Mecque. الشيخ البسام رحمه الله dit حرمة مكة المكرمة مستمدة من هذا البيت العظيم الذي هو أول بيت وضع في الأرض ليؤمه الناس لعبادة الله تعالى كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقد بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وما زال معظما مكرما محجوجا منذ بني حتى يفسد الزمان ويذهب الإيمان فما دام الدين قائما فقد جعله الله مثابة للناس وأمنا. Le caractère sacré de la Mecque. Al-Sheikh al-Bassam, rahimahullah, dit en préambule que le caractère sacré de la Mecque provient de cette maison immense qui est la Kaaba, qui a été dressée comme un lieu de prière dans cette terre, un lieu que les gens, vers lequel les gens se dirigent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans Sourate Ali Imran, le verset 96, selon le sens, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Et Bakka est un des noms de la Mecque. Parmi les noms de la Mecque, il y a Mecca, il y a Bakka. Il y a quoi également? Il y a Naam Al-Balad. Al-Balad ul-Amin. Également Naam. Non, de la Mecque je parle. Parmi les noms de la ville la Mecque, il y a Mecca, Bakka et البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد ici c'est Mecca et il y a également أم القرى. أم القرى c'est également l'un des noms de la Mecque. Et Allah Azza wa Jal dit ici la première maison qui a été édifiée selon le sens, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Mecca, c'est-à-dire de la Mecque bénie et une guidée pour l'univers. Cette Kaaba, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, c'est lui qui l'a construit. Et cette Kaaba n'a cessé d'être immensifiée, d'être respectée depuis qu'elle est créée et elle le restera jusqu'à ce que la fin des temps arrive et lorsqu'il n'y aura plus sur terre de personnes croyantes ni musulmans. Tant que la religion est présente, Allah Azza wa Jal fera de ce lieu un lieu de visite et un asile pour les gens. Mathabatan linnas wa amna. Wa qad 'azzamahu al-'arab fi jahiliyyatihim wa ja'u ilayhi min aqtar al-jazirati wa min wara'iha fa akramahum sanadatuhu وخدامه من قريش ومن قبلهم وجاء الإسلام فزاد من تعظيمه وتقديسه وقد حماه الله من كل معتد وأكبر دليل قصة أصحاب الفيل المشهورة. Et les Arabes, même avant l'arrivée de l'islam, donnaient une immense importance à la Mecque et à la Kaaba, et sont venus de toutes les contrées pour se rendre dans ce lieu, Ce lieu a été respecté par les notables, par les notables de Quraysh ainsi que ceux qui les ont précédés. Et l'islam est venu pour donner encore plus d'importance à ce lieu, pour lui donner un caractère saint. Et Allah Azza wa Jalla a protégé la Kaaba et a protégé la Mecque de tout intrus et a protégé la Kaaba et la Mecque de toute personne qui lui veut du mal. Et le plus grand et la plus grande preuve de cela est l'histoire de gens de l'éléphant qu'Allah Azza wa Jal a exterminé, eux qui voulaient détruire la Kaaba. والمجاورة فيه من أفضل العبادات لمن رزق الاستقامة لأن العمل عنده مضاعف إلى 100,000 ضعف كما أن المعاصي عنده وفيه مغلظة لحرمة المكان رزقنا الله العمل الصالح المرضي وجهه الكريم وجنبنا الزيغ والضلال والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن آمين وتقدم في أول الكتاب شيء من حكم الحج وأسراره. Et le fait de vivre et d'être à proximité de et être à proximité de la Kaaba et d'être à la Mecque fait partie, celui qui adore Allah Azza wa Jal fait partie des meilleures adorations. Car l'acte qui est accompli dans cet endroit est multiplié par 100,000. Et ici, on peut faire une remarque sur la parole de Cheikh Al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Soit il veut dire par les actes qui sont multipliés par 100,000 la prière. Dans ce cas, cette parole est juste. Soit il veut dire toute forme d'adoration qui est accomplie à la Mecque, sa récompense est multipliée par 100,000. Dans ce cas, les savants disent qu'il n'y a pas de preuve que la récompense qui est multipliée par 100,000, il n'y a rien qui prouve que cela concerne toutes les formes d'adoration. Mais ce qui est rapporté de façon précise dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela concerne uniquement les prières. Que la prière accomplie dans la mosquée sacrée de la Mecque équivaut à 100,000 prières accomplies dans toute autre mosquée. Et les savants ont dit que cela concerne toutes les prières, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surérogatoires, que ce soit les prières comme la prière sur le mort. Cela concerne la prière de l'éclipse, cela concerne la prière de la pluie, à la kulihal, toutes les formes de prière, quelles qu'elles soient. Quant à dire que tous les actes, quelles que soient les adorations que tu fais, la récompense est multipliée par 100,000 à la Mecque, il n'y a pas de hadith spécifique à ce sujet. De la même façon, et cela prouve le caractère sacré de la Mecque, que celui qui accomplit ou celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, eh bien, son péché est plus grave que s'il avait commis dans un autre endroit. Et nombreuses sont les preuves de cela, notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ou la parole d'Allah Azza wa Jal tout d'abord. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Et celui qui veut y commettre un crime, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Les savants ont dit qu'ici Allah Azza wa Jalla dit celui qui veut y commettre un crime, celui qui a donc l'intention de commettre un crime Allah Azzawajal lui fera goûter un châtiment douloureux. Or, l'on sait, de façon générale, que celui qui a l'intention de faire un péché, mais qui ne le fait pas. Alaykoum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal lui donne? Une récompense. Celui qui a l'intention de faire un péché, mais qui ne le fait pas, Allah Azzawajal lui donne une hasana. Sauf à la Mecque. Celui qui a l'intention de faire un mal, Allah considère cela comme un mal. Car c'est un endroit sacré. Car c'est l'endroit qu'Allah Azzawajal a rendu sacré. C'est un endroit sacré depuis qu'Allah Azzawajal a créé les cieux et la terre. منذ خلق الله السماوات والأرض. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit qu'Allah Azzawajal nous accorde et nous facilite l'accomplissement des œuvres vertueuses qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous préserve d'accomplir des péchés et de s'égarer, et qu'Allah Azzawajal nous préserve de toute forme de tentation qui soit apparente ou cachée. Et concernant le pèlerinage, dans le début de ce chapitre, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, a cité les différentes sagesses du pèlerinage. وكون الحج إلى هذا البيت له حكم ومناسبات أخرى منها أن هذا البيت ومناسكه هي آثار أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي ذكريات وأعياد إسلامية دينية ومنها أن البقعة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومنها شع نور الإسلام فالمسلمون يجددون بها عهدا وهي عاصمتهم الأولى ومتوجه وجوههم ومهوى أفئدتهم جمع الله المسلمين على التقى ولما كلمتهم فيما يعلي دينهم ويرفع شأنهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. Le pèlerinage est une adoration qui a lieu à la Mecque. Et le fait que le pèlerinage ait lieu à la Mecque comporte de nombreuses sagesses que Cheikh Al-Bassam rahimahullah a citées, que l'on a citées lors du début de ce chapitre du pèlerinage. Ce qui montre également les bienfaits et le caractère sacré de cette terre est qu'il y a dans cette terre les vestiges du père des prophètes Ibrahim alayhi salam. Et celui qui se rend là-bas se rappelle que Ibrahim alayhi salam a foulé cette terre, qu'Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba aidé de son fils Ismaïl. Également, celui qui se rend dans cet endroit se rend dans l'endroit dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète et envoyé. C'est également de cet endroit que a émergé la lumière de l'islam. Et c'est dans cet endroit que les musulmans renouvellent sans cesse leur pacte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Mecque est la première capitale des musulmans. La Mecque est l'endroit vers lequel se dirigent tous les musulmans 5 fois par jour, concernant les prières obligatoires et bien plus concernant les prières surérogatoires. Et la Mecque est la destination qui est portée dans le cœur de chaque musulman. Qu'Allah Azzawajal réunisse les musulmans dans sa piété et qu'il unifie et qu'il fasse que leurs paroles soient unifiées et qu'ils élèvent leur religion et leur donnent plus d'importance. Amin. Que la prière et le salut d'Allah Azza wa Jal soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.